Passing in the breeze, but I can Bienvenue sur les ondes du 95 FM, il est 15h10 sur RQC. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rogue Nations, c'est Bruno qui vous accompagne jusque 17h, 2h de hard rock, de métal, avec des nouveautés, avec des autoprods et des vieilleries. On a commencé l'émission avec Wasp en 1989, The Headless Children, et le troisième single issu de cet album sorti en 1989, donc le morceau Forever Free. Juste à l'instant, c'était Loneness, l'album de 1987, produit par Eddie Kramer, Hurricane Eyes, et le morceau This Lonely Heart. On reste dans les vieilleries avec les frères McManus, les trois frères de Mama's Boys, Needle in the Groove, c'est le single extrait de l'album Plug It In, paru en 1982, et on s'écoute la face B de ce single, Hard Headed Ways. Adam Bomb sur le 95FM, l'album Rock On, Rock Hard, Rock Animal, paru en 2012, et le morceau Doctor 666. On part en Finlande avec Anna Rocks et Michael Monroe, une des plus grosses influences d'un certain Axl Rose et de son Guns N' Roses, l'album de 1984, paru chez Epic CBS. L'album s'appelle Two Steps From The Move, et le morceau High School. All the time I spend shopping. Electric Lady, le titre est Electric Lady, l'album, premier album pour Abigail, les nordistes de Abigail qui se sont fendus de ce premier album, 11 titres est paru cette année, et à savoir que les membres d'Abigail seront présents dans les studios de RQC, seront présents sur le 95FM dimanche prochain à partir de 15h pour une interview à propos justement de cet album Electric Lady paru cette année et également de leur prochain concert, en sachant qu'ils seront en concert ce jeudi 1er juin, et ça se passe à Lens. Je vous dirai exactement le lieu dans quelques minutes, mais là on repart en musique avec les Néerlandais de Drive By Wire, l'album The Whole Shebang et le morceau Rituals. We'll be right back. curiosité, une petite rareté, Crank, ils nous viennent de Philadelphie, de Pennsylvanie. Crank est leur premier album en 1986 sur le label Metal Blade. L'album s'appelle Hideous et c'était le morceau qui ouvre la face B de ce disque. Et oui, c'est le vinyle Rented Heat. On reste dans le heavy US avec Pantera en 1987, le premier album avec Phil Anselmo. Le groupe se cherche encore un peu, c'est le quatrième album Power Metal et le morceau d'ouverture Rock the World. Yeah. Raven à leur début, leur deuxième single paru en 1981, Hard Ride, dont on a extrait la face B, et le morceau Crazy World, qui figure également dans une dantesque version live sur l'album Live at the Inferno, paru en 1984. Raven en concert le mercredi 7 juin prochain à Roselare, au Doverlicht Guest, avec Irax et Kill Ritual, et c'est à partir de 19h, et c'est à ne pas louper pour tous ceux qui veulent découvrir et se prendre une bonne dose de Athletic Rock. Dans les dents, Raven, donc le 7 juin au Doverlicht Guest de Roselare avec Irax et Kill Ritual. Réservez votre soirée, ça va être monumental et mémorable. La semaine dernière, on avait eu l'occasion de découvrir le premier album de Burn Again, Strike With Power, avec le morceau d'ouverture, j'avais choisi New Generation. On recommence, bis repetita, cette fois-ci, toujours extrait de ce premier album pour ce groupe tout récent, et le morceau Betrayal, Burn Again. Like the sky. Le 10 mai 2005, donc il y a un peu plus de 12 ans, le chanteur emblématique de Metal Church, David Wayne, nous quittait. Rock the Nations lui rend hommage aujourd'hui avec le deuxième album de Reverend, paru en 1991. L'album s'appelle Play God et c'était le morceau Wrap the Mind. Dans quelques minutes, on n'oublie pas, il y a le focus consacré au groupe de thrash Made in Bay Area, Exodus. Mais tout d'abord, on reste dans le thrash avec Jenner. Elle nous vient de Serbie, leur premier album To Live Is To Suffer, c'est sur le label Inferno Records. Extrait de ce premier album, on s'écoute le morceau The Health Is Coming Again. Feeling it, dead inside. No one knows she'll survive. 15h59, vous êtes bien à l'écoute de RQC sur 95FM et c'est Bruno qui vous présente l'émission Rock the Nations. On est ensemble jusqu'à 17h avec un instant Can't You Take a Joke, le premier album des Américains de Mocky Pop paru sur le label Torrid, celui-là même qui avait découvert entre autres Gothic Slam et surtout Exodus à l'époque de Bonded by Blood. Donc l'album Can't You Take a Joke et le morceau Nazikism paru en 1988. Mocky Pop. Chez nous en Belgique, Channel Zero a sorti en 1997, en janvier pour être plus précis, son quatrième album. L'album s'appelle Black Fuel, fantastique album avec une production tout confort signée à Thibaut qui a également collaboré avec Fight à l'époque de War of Words ou encore The Gathering. Et extrait de cet album Black Fuel, le morceau Mastermind, Channel Zero. To the end of place, you'll never be. toujours à l'écoute de Rock the Nations sur RQC, sur le 95FM avec Bruno, on est ensemble jusqu'à 17h. La page Facebook de l'émission, l'intitulée Rock the Nations Radio Show, toutes les playlists y figurent, ainsi que les émissions en podcast. Et sachez que vous retrouverez cette émission en podcast dès ce soir, avec la playlist justement. Et on vient de commencer le focus consacré à Exodus, un groupe de thrash metal made in Bay Area, emmené de main de fer par le guitariste Gary Holt, et épaulé pour ce morceau par le chanteur Rob Dukes. Il y a eu trois chanteurs, dont Exodus, Steve Souza, qui est revenu encore une nouvelle fois, Rob Dukes, et bien sûr le chanteur emblématique Paul Baloff, auteur d'un unique album, Bonded by Blood, et décédé en 2002 malheureusement. Rest in peace Paul, on rendra hommage dans quelques secondes d'ailleurs, avec un extrait de l'album live A Novel Lesson in Violence, et bien sûr un extrait de ce fantastique album qui est Bonded by Blood, mais là c'était un extrait de l'album The Atrocity Exhibition Exhibit A, le premier volume, avec le morceau Riot Act, est paru sur le label Nuclear Blast en 2007. Chose promise, chose due, le live A Novel Lesson in Violence est représenté donc avec Paul Baloff, et extrait de cet album enregistré et sorti en 1997 sur le label Century Media, le titre Seeds of Hate. Yeah. one's called Death Amphetamine! Yeah. react, motherfuckers! Focus consacré à Exodus dans Rock the Nations avec un extrait de l'album live Shovel Headed Tour Machine Live at Wacken and Over Sorted Atrocities, un titre assez long. Album live enregistré en 2008 donc au Wacken Open Air devant 80 000 fans, pardon, survolté paraît-il, je n'y étais pas mais je vais bien le croire. Et extrait de cet album, c'était le morceau Death and Phetamine. On part en 1989 avec un extrait de leur troisième album, Zetro Souza est au chant, l'album s'appelle Fabulous Disaster et on s'écoute le morceau du même nom. Impact is Imminent, le quatrième album d'Exodus, c'est le focus consacré à ce groupe, non Rock the Nations. Impact is Imminent, le titre extrait donc de cet album paru à la rentrée 1990 et le premier album sur la major Capitol, puisque le groupe a été habitué pendant ses trois premiers disques à signer sur un indépendant, à savoir Combat Records. On part avec le fantastique premier album, Bonded by Blood, une référence dans le genre. Le reste aussi est pas mal, mais bon, c'est vraiment le haut du panier que ce Bonded by Blood est extrait de ce disque paru au printemps 1985. On s'écoute le morceau A Lesson in Violence. Ah! Blacklist, c'était le focus consacré à Exodus qui vient de se terminer à l'instant avec un extrait de l'album Tempo of the Damned. Et donc ce Blacklist, premier album de la reformation paru sur le label Nuclear Blast en 2004. Voilà, la semaine prochaine vous retrouverez un autre focus consacré à un autre grand nom. Enfin, on verra bien. On verra bien, on n'y est pas encore et on continue en musique bien sûr. On ne perd pas de temps avec Lacerated and Carbonized, l'album Narco Hell, les Brésiliens de Lacerated and Carbonized qui ont sorti cet album en fin d'année dernière, et on s'écoute le morceau du même nom, Narco Hell. We'll be right back. passe vite, ça passe vite. Il est 16h50 sur le 95FM. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations, comme tous les dimanches de 15 à 17h sur RQC. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission Rock the Nations Radio Show, c'est l'intitulé, avec toutes les playlists, avec les podcasts également. Vous retrouverez l'émission de cet après-midi en podcast dès ce soir. Ou n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page perso, Bruno Iron Alford, Iron Alford en un seul mot, et avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît. À l'instant, l'album du mois, Diabolik, Subterranean Magnitude, dernier extrait, pardon, pour le mois de mai, que cet album Subterranean Magnitude paru en 2001 sur le label Hammer Heart. Et dernier extrait, j'ai choisi le morceau Extinction Level Event. On part dans les productions de chez Great Dane avec les Danois de Deus Otiosus. Leur album Opposer paru il y a très très peu de temps, et on s'écoute le morceau Hunter. To the Blood Curse Resurrection, le premier album des New Yorkais de Prime Evil, paru en 2015 sur le label Inferno Records. Et c'était le titre d'ouverture, Blood Curse. Il est 16h59. L'émission touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne fin d'après-midi ensoleillée. Profitez bien du temps. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 15h pour une nouvelle émission d'autres aventures. Rock the Nations, c'est tous les dimanches de 15 à 17 sur RQC. Et voilà. Un bon dimanche encore à vous. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao. Vous écoutez.